Vous écoutez maintenant l'émission Chérie, m'écoutes-tu? Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Bienvenue à cette heure musicale variée. Vous êtes en compagnie de Sophie Laforêt pour la prochaine heure et ce soir. J'ai décidé de me lancer dans une émission spéciale et oui, je me suis lancé un beau défi comme ça. Soit de vous présenter des pièces qui auront une durée maximale de 2 minutes chacune dans le but de faire jouer le plus de musique possible et ainsi vous faire découvrir le plus de groupes et ou d'artistes possible. Et toujours en français et en anglais, et ce, dans un style musical varié. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Et mon deuxième objectif aujourd'hui sera d'atteindre la vitesse de croisière de 30 chansons à l'heure. Donc, 2 minutes par chanson, fois 30, ça fait 1 heure. On va essayer de se lancer avec ça. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer en musique. Dans une ambiance vraiment mollo. Alors, on commence tout doucement dans cette émission spéciale avec un bloc folk. Vous êtes à l'émission Chérie m'écoutes-tu pour la prochaine heure sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Tu me chercheras dans le désert, dans les bras d'une autre femme. Tu me trouveras dans le minibar, la tête coincée. Ce sera la fin de l'hiver, ce sera dimanche si tu veux. Le temps dehors justifiera l'intérieur. Tu traîneras une valise pleine de vues d'horreur, de gâteau, et je saurai enfin que je veux des enfants avec toi. C'est fou 89.1, la radio autrement. C'est pas beau dehors. Le encore. Ce qu'annonce demain, on n'en sait rien. Entendre la pièce fatidique de Lucien Midnight de son album Champion des choses en bois. Avant ça, on avait Bivouac avec la pièce Dehors de l'album Le synopsis de notre histoire. Et au début de ce mini court bloc, on avait la formation Avec Podcast avec la pièce Boire, manger, dormir de leur dernier album Dans la nature jusqu'au cou. Alors, sans plus tarder, on retourne en musique encore avec un bloc de courtes pièces de moins de 2 minutes. Tout d'abord avec une formation que j'adore, les Yeah Yeah Yeahs. Vous êtes à l'émission Chérie m'écoutes-tu avec Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. So, I'll count it off. 1, 2, 3, go. I got a man who makes me walk here. I got a man who makes me want to die. I got a man who makes me want to die. On vient d'entendre le duo Matt and Kim avec la pièce I Wanna de leur album Grand. Avant ça, on avait la pièce The Clap de la formation de Unicorns de leur album Who Will Cut Our Hair When We're Gone, qui est une formation qui n'existe plus de Unicorns, formation montréalaise qui me manque beaucoup. Et au début du bloc, on avait la formation new-yorkaise Les Yeah Yeah Yeahs avec la pièce Man de leur premier album Fever to Tell. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a une émission spéciale, soit une émission 2 minutes chrono. Toutes les pièces entendues à l'émission de Chéri Mikoutsu ce soir ne dépasseront pas 2 minutes dans le but de vous faire entendre le plus de musique possible et de vous faire faire des découvertes musicales intéressantes. Donc, on retourne en musique sans plus tarder avec une pièce du dernier album de Pierre Lapointe. Plus jamais je n'aurai peur de ces étranges qui apparaissent quelquefois quand je lui ouvre mon cœur. Plus jamais je n'aurai peur de ces étranges lueurs qui apparaissent quelquefois quand je lui ouvre mon cœur, quand je lui ouvre mon cœur, quand je lui ouvre mon cœur. The sun is an old friend, the sun is an old friend, the sun is an old friend, an old friend. The sun is an old friend, the sun is an old friend, the sun is an old friend, an old friend. The sun is an old friend, the sun is an old friend, the sun is an old friend. Is an old friend, the sun is an old friend, the sun is an old friend. D'entendre la formation, ou plutôt le projet musical suédois Taken by Trees, avec la pièce Our Past Like Centuries de l'album Open Field, qui est le premier album de ce projet solo que tient Victoria Bergsman. Et avant, on avait toujours de la Suède El Perro del Mar avec la pièce The Sun is an Old Friend. Seule phrase qu'elle répète en fait durant toute la pièce. Et ça vient de l'album From the Valley to the Stars. Et au début du bloc, nous avions Pierre Lapointe avec une pièce tirée de son dernier album, soit la pièce Ces étranges lueurs de l'album Sentiments humains. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est dans une émission spéciale Top Chrono 2 minutes, donc toutes les pièces qui vont jouer ce soir ne dépasseront pas la durée de 2 minutes. Et on est déjà rendu à la 10e pièce qu'on va entendre tout de suite. Alors on y va avec Mara Tremblay. Ouvre-moi ton cœur. Détourne les courants de ta femme. Pose sur moi ton corps encore. Que notre désir ne s'évapore. Jamais je voudrais tant de bonheur. Comme un mât facile doré. T'as vu dans mes yeux tout le soleil qui pourrait briller si tu voulais. Montre-moi l'amour toujours. En semence de flamant partout. Allume mon âme et viens. Que je marie au ciel. Je danse le tango sur ta peau du nord. Nos corps voyagent au ciel et se brûlent boréal. Ligne de vie à l'encre, toi et moi équatorial. Le flot de nous mortels visite mes sens. En vent de vide, je réalise ma chance. Je respire à l'envers pour nous posséder encore. Paranoïa de minuit quand tu dors. On vient d'entendre la formation d'origine trifluvienne Tricomachine avec la pièce Introduction aux Tricomachines de leur album éponyme. Avant, on avait Viviane Audet de l'album Le Long Jeu, la pièce Ton Ventre. Et au début du bloc, Mara Tremblay avec la pièce Viens me chercher de son premier album Le Chihuahua, du temps où elle était plus folklorique peut-être avec son violon et tout ça, mais on l'aime encore beaucoup, Mara, avec son dernier album « Tu m'intimides ». Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on relève le défi de faire jouer 30 chansons dans une heure, donc des pièces qui ont une durée maximale de 2 minutes. Et on est déjà rendu à la 13e pièce, on va entendre « The Dodos ». Now on vient d'entendre la formation de Rural Alberta Advantage avec la pièce Four Night Rider de leur album Hometowns, qui est leur premier album et un excellent album également. Et j'ai eu la chance de les voir au festival, c'était beau ça, au festival Oshiaga cet été. C'était vraiment un très bon spectacle. Formation à découvrir, un trio qui nous vient de Calgary, si je ne me trompe pas. Et avant, on avait Bon Iver avec la pièce instrumentale Team de l'album For Emma Forever Ago. Encore une fois, un excellent album si vous avez envie d'entendre les pièces où Bon Iver chante, ou Justin Vernon de son vrai nom. Et au début du bloc, on avait la formation de Dodos avec la pièce Eyelids de leur album Visitor. Alors, je vous rappelle aujourd'hui qu'à Chérie M'écoutes-tu, on a une émission spéciale de Top Chrono 2 minutes. Donc, les pièces qui seront entendues ce soir auront une durée maximale de 2 minutes, et ce jusqu'à la fin de l'émission. Et on va se quitter le temps d'une courte pause pour que je puisse reprendre mon souffle. Et au retour, on revient en musique. Et je vous rappelle également que vous pouvez consulter le blog de l'émission, soit le www.sophieaimelamusique.blogspot.com, pour connaître les pièces qui ont joué à l'émission de ce soir et avoir accès au balado-diffusion des émissions antérieures. Et ce soir, il y aura beaucoup de pièces en liste puisqu'on essaie d'atteindre le cap des 30 chansons à l'heure. Alors voilà, on se quitte le temps d'une courte pause et je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie M'écoutes-tu en compagnie de Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. C'est fou de musique à découvrir, c'est fou de musique à découvrir, c'est fou de la scène émergente, c'est fou de scène émergente, c'est fou de la musique, c'est fou de la musique, c'est fou 89.1. 89. The enemy is now in sight above the palace. Retour à Chérie M'écoutes-tu, on vient d'entendre Crystal Castle, qui est une formation de Toronto, avec la pièce 1991 de leur album éponyme. Et c'est une excellente formation qui fait dans l'électro, si vous avez aimé ce qu'on a entendu. Puis sinon, je vous rappelle encore une fois qu'on est à l'émission spéciale Top Chrono 2 minutes. Les pièces qu'on entend durent ont une durée maximale de 2 minutes sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Yeah. c'était l'indice avec la pièce Le jour après Noël d'un album du même nom. Avant, on avait la formation Malajube avec la pièce Hérésie de leur dernier album Labyrinthe. Avant, la formation La question avec la pièce Tant qu'à y être de leur album Affranchi. Et au tout début du bloc, la formation Le nom avec la pièce Moins 1 de leur album Fais-le toi-même. Et je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie mes coutus en compagnie de Sophie Laforêt et aujourd'hui un spécial top chrono 2 minutes. Chaque pièce qu'on entend a une durée maximale de 2 minutes et on poursuit. Je crois qu'on est sur la bonne voie pour atteindre les 30 pièces durant cette heure musicale, donc 30 chansons à l'heure. Et on poursuit avec une formation de Vancouver, soit The Organ, sur les ondes de CIFU 89.1 FM. On vient d'entendre DM Stitt avec la pièce Isaac Song de l'album Heavy Ghost, une pièce plutôt lourde, difficile d'accès un peu, mais son album est somme toute très bien à découvrir. Ça ressemble un peu à Patrick Watson pour ceux qui aiment Patrick. Avant, on avait la formation de Smiths avec la pièce Please, Please, Please d'un album. En fait, je l'ai tiré de l'album de Smiths Best One. Et par cœur comme ça, je ne me rappelle pas sur quel album original ça se retrouve, mais sans problème, vous pourrez trouver cela. Sinon, vous pouvez consulter le blog de l'émission et j'ajouterai le disque original sans problème. Et avant, on avait la formation de Vancouver, The Organ, avec la pièce Fire in the Ocean d'un EP, ou plutôt d'un mini-album qui est paru après que le groupe se soit séparé il y a de cela une année ou deux. Donc, le mini-album s'appelle Thieves. Et je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie Mikoutsu pour l'émission spéciale Top Chrono 2 minutes. Aujourd'hui, toutes les pièces qu'on entend ont une durée maximale de 2 minutes pour vous faire découvrir plusieurs artistes et tout ça dans une heure musicale variée. Et on va poursuivre du côté de la France, tout d'abord avec Camille. Vous êtes à Chérie Mikoutsu avec Sophie Laforêt sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Est-il bien nécessaire de me dire vous plutôt que tu, si c'est pour par derrière me botter le cul? Là-bas en Angleterre, ils se disent tous you, c'est plus clair. De Toto, Tony Blair, Alisa Rassu. Tout est beau sur la terre, dit l'hippopotame en tutu. Au lit comme à la guerre, on est tout poilu. C'est la faute à Voltaire, m'a dit ce cocu de coquet. S'il te faut des barrières pour me croquer cru. Tu sais trop tralalère, vaut un tantinet statue. Alors autant se taire et se sauter. Est-il bien nécessaire de te dire ou plutôt que tu est-ce pour qu'au nom du père du coup je vous tue. Que vaut dans cette affaire le beau achat tout au grand air des modos tout son verre au studio d'Avou. Là-bas en Angleterre, ils se disent tous you, c'est plus clair. De Toto, Tony Blair, Alisa Rassu. Tout est beau sur la terre, dit l'hippopotame. As-tu vu l'univers quand il est terminé? Tu sais trop de la l'air, pour un tantinet de cocu. Saucisson, serpillère, échappe de la pluie. Est-il bien nécessaire de me dire faudrait que l'on soit beaucoup plus fort que ça. Afin que l'on soulève les ongles et puis les doigts. Il faudrait que l'on saigne et que nos veines éclatent. Que l'on se souvienne quand on mangeait des pâtes. Chaque jour de la semaine, on en bouffait du rêve. Chaque jour de la semaine, aujourd'hui c'est la trêve. Nouvelle vague. Nouvelle vague. Une petite MG, trois petits gangsters assis dans leur bagnole sous un réverbère. Une jambe ou deux par-dessus la portière, c'est la nouvelle vague. Nouvelle vague. Trois mignons approchent, font bien balancer. Ils chantent une chanson d'Elvis Presley. Voilà nos gangsters se donnent tout éveillés par cette nouvelle vague. Nouvelle vague. Oh, pas terrible, non. Ils sont un peu trop vieux, mais enfin, tant pis. On peut faire un tour de bagnole, boire un café, et puis se tirer en beauté. Nouvelle vague. pas grand chose pour faire connaissance. On boit en causant et en danse. Mais faut garder cette indépendance de la nouvelle vague. C'est la nouvelle vague. De la On vient d'entendre la formation française Stéréo Total avec la pièce Nouvelle Vague de leur album Total Pop. Avant, on avait Mickey 3D, toujours de la France, avec la pièce La Trêve de l'album du même nom. Et avant, on avait Camille avec la pièce Vous de son album Le Fil. Et on va poursuivre avec un court bloc, encore plus court que d'habitude puisqu'on ne dépasse pas 2 minutes, mais là, un court bloc de 2 pièces assez particulières. Donc, je vais vous laisser les entendre tout d'abord, Geneviève et Mathieu sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Je suis paranoïaque. Je suis rendue paranoïaque. Et je suis pas comme il faut. Je suis ne pas. Je suis et j'y vais. Yes, yo. Come on, everybody. For the Black Eagle, yo. Yeah, Black Eagle. Black Eagle. Un beau jour ou peut-être une nuit, près de lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, ses ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans ce bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau va se poser. Il avait les yeux couleur du Nil, et des plumes aux couleurs de la nuit. À son front brillait de mille feux, l'oiseau roi couronné, porté de diamants bleus. De son bec, il a touché ma joue. Dans sa main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu. Surgissant du passé, il était revenu. Dis l'oiseau, oh, tiens-moi. Retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cuire en tremblant des étoiles des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant. Comme avant, sur un nuage blanc. Comme avant, ravi le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir dans ce bruissement d'ailes prit son vol pour regagner le ciel. On vient d'entendre l'artiste mythique de Montréal, MC Trouille, avec la pièce Black Eagle, qui est une reprise. Une visite nouvelle d'un hit de Marie-Carmen. Je vous laisse deviner lequel. Et sinon, avant, c'était Geneviève et Mathieu avec la pièce « Je suis paranoïaque » de leur album « Crions notre joie ». Et je vous annonce que la prochaine pièce sera la 30e pièce de l'émission, alors nous aurons atteint ce défi que je m'étais lancé, soit de jouer 30 pièces dans l'espace d'une heure. Et on va entendre Millie Croche avec la pièce « Running with Ostensils ». 1, 2, 3, go. Dangerous, but our games are way more dangerous than running. Running with a knife in my hand. Running, running with a fork. stop, but you just sit there and talk while I'm running, running with a knife in my hand, running, running with a fork in my mouth. Cette époque d'opinion, de prise de position, tout le monde est beau, tout le monde est bon, et on relève les défis, et ce malgré les déficits, après on s'attribue des prix, on s'en crédite les mérites, on évolue, on évalue, on accumule le superflu, on planifie, on s'accomplit, on se compare à nos amis. Et l'âme qui courbe les chines devant ses jobs assassines, tuant idyllées, idées, désirs et destinées, confortables dans le confort et conformes dans le décor. On constate qu'on nous confine, on s'en contente puis on rumine, découragé, on s'enrage du trop plein ou du pas d'ouvrage, de l'éternelle jeunesse à la page qui règne sans partage. Encore on court après le temps, encore on cherche le bon sens, on finit par manquer de souffle, on tombe de haut et ça fait pouf. C'était Vincent Vallière avec la pièce « Époque d'opinion » de son dernier album « Le monde tourne fort ». Et avant, on avait Millie Croche avec la pièce « Running with Austin Seals » de son album « 1001 Breakup Songs ». Quel beau titre. Et donc, l'émission va se terminer sur ce, et on va se quitter encore une fois avec deux autres pièces qui sont d'une durée de moins de 2 minutes. Et on se retrouve la semaine prochaine, lundi, le 9 novembre à 18h pour une autre heure musicale variée. Et en attendant, plus ce soir ou tout à l'heure, dépendamment du moment que vous entendez l'émission, je vais vous laisser en compagnie de mon collègue Frédéric Durand et l'émission « Le voyage insolite ». Alors, c'est Sophie Laforêt qui vous souhaite une excellente fin de journée sur les ondes de CIFOU 89.1 FM. How the prayer ropes the rosary, how the makeup makes a face pretty, oh, how we have an underbelly, bitten by brutality, how there's God's fried up, how Lothario leers its slut, oh, how we have an underbelly, bitten by brutality. And how, in our first and last years, we are the most needy, least greedy, most grateful, least hateful, how we die as deeply doe-eyed as we start. With what?